Ma petite gueuse, toi, tu caches je content, amoureusement, ta fente, oui, ton creux. Ah, il fut un temps où tu t'en prenais tant à faire éclater tes yeux pour te montrer la vigueur de mon amour. Tu vas faire découvrir à ta chair cet engin divin et lourd qui rend ma vie si chère, mais aussi condamné à ne penser qu'aux galipettes, condamné à être écrasé par le besoin d'éjaculer. Mes pensées vers ton âme, ta tête coupable, coupable de t'aimer, malgré tes mensonges et passions, malgré tes discours lourds et cons. Tu es mon petit fourreau, et moi, je serai ton héros. Je t'aime.